Chapitre 4. Vers la 17e année de Gala, de graves événements troublèrent le repos du village, et ce fut le pauvre et inoffensif père Grumion qui en fut la première victime. Le bonhomme avait bien vieilli depuis les jours lointains où nous avons fait sa connaissance, mais tel qu'il était, avec ses membres tordus par l'âge et sa tête chenue que chaque mois tombant sur elle rapprochait de la terre, il tenait encore bon, étant de la race antique que l'on disait issue des chênes. Il mettait son amour-propre à ne pas mourir aussi vite que l'auraient voulu les commères du village, dont les prédictions, toujours déjouées, l'enterraient chaque mois aux calendes prochaines, et il répétait volontiers à Gala, à la ceinture de laquelle il venait à peine maintenant. « Vois-tu, petite, ce n'est pas moi qui ai peur de la mort, c'est elle qui a peur de moi. Ah, c'est qu'on ne vient pas facilement à bout d'un légionnaire romain, qui a vu face à face et sans baisser les yeux le terrible Hannibal. Quand on a passé par là, ma fille, quand on est sorti vivant et sans blessure de ces fournaises, où deux armées de 50 000 hommes chacune combattaient sans lâcher pied 12 heures durant, épée contre épée, bouclier contre bouclier, visage contre visage, je crois, par tous les dieux de l'Olympe, qu'on a des chances de passer immortel. » Avec son ardente affection pour Gala et le récit, éternellement refait dans les mêmes termes de ses aventures militaires, une autre passion aussi forte occupait le cœur du père Grumion. Il possédait depuis longtemps déjà, à deux portées de flèches du village, un petit enclos planté de vignes que sa femme, maintenant défunte, lui avait apporté en mariage. Cet enclos était son occupation de tous les jours, sa joie, sa raison d'être sur cette terre, sa vie enfin. Il le couvait comme un père couvre l'héritier unique, et qui ne pourrait pas être remplacé de son nom et de sa fortune. Il y pensait en s'éveillant, il y pensait encore au moment de s'endormir. Au mois de mars et d'avril, quand le vent qui avait passé sur les neiges de l'Apennin soufflait, glacial, dans la campagne, le père Grumion n'était plus reconnaissable. On le voyait à toute heure du jour, même par les temps les plus mauvais, sortir de sa pauvre demeure, étendre la main à la pluie ou à la neige, relever péniblement la tête vers le ciel, et rentrer ensuite en proférant d'affreux jurons, seul bagage qu'il eut avec ses rhumatismes rapportés de ses nombreuses campagnes. Mais à mesure qu'avec la saison plus avancée, le temps se rassérénait et qu'un souffle plus doux caressait les champs ensoleillés, le père Grumion changeait de visage et d'allure. Il se fondait en paroles de respect pour le divin Bacchus, qui lui promettait une récolte savoureuse, et il allait aussi vite que le lui permettaient ses jambes retrouver ses chers amours, sa vigne adorée, où il passait des journées entières, confusément heureux de vivre et de sentir vivre à ses côtés les ceps vieux et solides comme lui, mais comme lui aussi tordu et noirci par les mauvais temps. Il se trouva que cette année-là, la récolte s'annonçait exceptionnelle. Tout était venu à point, l'eau, le soleil et le reste, pour combler les désirs du vieux père Grumion. Le raisin n'avait pas coulé, comme il l'avait craint pendant quelques journées d'angoisse mortelle. D'énormes grappes violacées débordaient de tous côtés sous les feuilles vertes, et Grumion, rajeuni, ne se sentait pas d'aise. Il ne quittait plus sa vigne qu'il parcourait pliée en deux, sans se plaindre cette fois de son infirmité qui lui épargnait la peine de se baisser. Il caressait de la main en passant les ceps les plus chargés, il soupesait les grappes dont une seule suffisait à emplir ses deux larges mains calleuses, il relevait celles que leur poids avait inclinées jusqu'à terre, il soufflait dessus avec délicatesse, il ôtait les parcelles de terre qui les avaient salies, il les eût pressées sur son cœur, sans le danger qu'eût pu leur faire courir une effusion de ce genre. Gala, qui accompagnait souvent le vieillard à la vigne, riait doucement de ses innocentes manies. Il se fut bien gardé de toucher au moindre grain de raisin tant choyé, avant d'en avoir reçu la permission de la bouche même de l'heureux propriétaire, tant le bonheur et la vie même de Grumion étaient attachés à la jouissance exclusive de son petit domaine. Maintenant qu'on connaît les sentiments qui animaient le vieil ami de Gala, on devinera le coup qu'il ressentit au cœur quand, par une belle matinée de septembre, se rendant pas à pas à sa vigne, il aperçut des étrangers qui s'y étaient installés avant lui et la livraient odieusement au pillage. Le bonhomme, dont les yeux étaient encore assez bons pour voir la scène de loin, se hâta autant qu'il put, et ce n'est pas beaucoup dire. Son approche, d'ailleurs dénuée de majesté, ne parut pas émouvoir sensiblement les téméraires qui, non contents de se gorger d'un raisin qui ne leur appartenait pas, arrachaient les grappes les plus grosses pour s'en barbouiller mutuellement le visage. Le désastre était si cruel que Grumion en resta quelques instants sans voix. De grosses larmes lui coulaient des yeux et son corps courbé vers le sol était agité d'un tremblement convulsif. Ce spectacle, qui aurait dû émouvoir les étrangers, leur parut si grotesque qu'ils éclatèrent tous de rire. « Par Jupiter, Styrax !» dit l'un d'eux en faisant allusion au dos voûté du bonhomme. « Voilà bien ton affaire. Toi qui faisais la grimace à l'idée de chasser toute la journée à pied avec notre jeune maître, tu as là une monture toute trouvée. Mais gare aux ruades, par exemple, tu sais qu'il faut toujours se méfier des jeunes chevaux. » À cette saillie brutale, les rires redoublèrent. Celui qu'on appelait Styrax, vêtu comme ses compagnons de laine brune, mais qui paraissait exercer sur eux une sorte d'autorité, fronça dédaigneusement le sourcil. « Tu te trompes, Calliclès. Ce que tu vois là n'est pas un cheval, mais un roussin de ton beau pays d'Arcadie. Et je te trouve bien peu aimable pour un compatriote auquel tu pourrais demander des nouvelles de tes parents. » La plaisanterie était encore plus grossière que la précédente. Mais Calliclès, qu'elle visait autant que le vieillard, parut la trouver excellente et, pour toute réponse, sourit gracieusement à Styrax. « La peste de tes dents blanches et de tes pattes de velours !» grommela celui-ci d'un ton bourru. « Ce damné Calliclès est depuis 20 ans dans la maison et je n'ai pu savoir encore ce qu'il pense avec son visage à double face. » De mauvaise humeur, comme toujours, Styrax, dans lequel on a reconnu le factotum de Pudentius, quitta la place où il s'était assis et se dirigea vers un petit bois qui bordait sur deux de ses côtés la vigne du père Grumion. « Allons, dit-il, assez causé. Debout vous autres et en marche. Lucius doit s'impatienter à nous attendre et je ne sais ce qu'il est devenu, car je n'entends plus les aboiements de ses chiens. Ici, Simulus, tiens-moi mon épieu et toi, Artabas. Veux-tu que j'aille te caresser les reins à coups de bâton pour te faire lâcher prise? Tu es aussi gourmand qu'ivrogne, africain de malheur, et je ne conseille pas à cet honnête rustre de t'engager même à vil prix pour la vendange prochaine. » L'honnête rustre, comme l'appelait Styrax, ne pensait d'ailleurs à rien de semblable. La colère l'étouffait, et dans son impatience de ne pouvoir parler, tant il était ému, il frappait le sol de son bâton et faisait voler les cailloux d'une main encore vigoureuse. Tout ce qu'il voyait autour de lui redoublait sa rage, et à mesure qu'il pénétrait plus avant dans sa vigne, les dégâts commis comme à plaisir, les grappes les plus belles gâchées ou jetées à terre, encore intactes, lui faisaient un mal horrible au cœur. Quand il vit Styrax qui se disposait à suivre ses compagnons et se dirigeait nonchalamment vers le petit bois, il le saisit par un des pans de sa tunique. Comme la vigne était située à mi-côte, le terrain était en pente et Styrax trébucha. Il se retourna furieux. « Malédiction sur toi et toute ta famille » s'écria-t-il. « Si tu m'avais fait tomber, j'aurais découpé ton misérable corps en lanières, et ta carcasse, suspendue à un arbre, aurait servi d'épouvantail au corbeau. Lâche-moi, vieillard, ou sinon... » Le père Grumion ne lâcha pas la tunique de Styrax et la serra plus fortement au contraire de ses gros doigts noueux. « Tes menaces n'effraient pas une vieille tête blanche comme la mienne. J'ai tenu jadis de ces mêmes mains 3 Carthaginois plus solides que toi, vaurien, et je les ai quand même amenés vivants à mon général. Les temps sont-ils donc si changés que de vils esclaves comme toi et tes compagnons fassent la loi à des citoyens romains ? Que veux-tu enfin ? Dit Styrax, embarrassé de la tournure que prenaient les débats et qui sentait de loin peser sur lui l'œil goguenard de Calliclès. « Ce que je veux, répondit le vieillard, en essayant de redresser ses membres raidis, ce que je veux effronter coquin, c'est que toi et les tiens, vous me payez les raisins que vous avez mangés dans ma vigne. » Styrax trouva l'idée si baroque qu'il se mit à rire comme un fou. « Excuse-moi pour cette fois, mais j'ai oublié d'emporter ma bourse. Heureusement que j'ai avec moi des capitalistes moins négligents. Un banquier grec, un négociant dalmate, un armateur carthaginois. Hola, Calliclès, Simulus, Artabas, accourez vite et préparez vos sesterces pour indemniser le pauvre homme des pertes considérables qu'il a subies par votre faute. » Les 3 esclaves, qui se trouvaient déjà sur le sommet de la colline, redescendirent en courant sans précaution à travers les rangées des ceps chargés de fruits, et quand ils eurent appris de quoi il s'agissait, ils se tinrent les côtes pendant quelques minutes sans pouvoir parler, tant les exigences de Grumion leur paraissaient divertissantes. Calliclès le premier put, les larmes aux yeux, proférer quelques mots. « Fi, le vilain avare ! Voilà donc pourquoi il marche à 4 pattes, c'est pour mieux voir les pièces de monnaie que les passants ont perdues sur la route. Par Mercure, le dieu des voleurs, il doit s'enrichir à ce métier-là, et il peut bien nous faire cadeau de 5 ou 6 misérables grappes de raisin. » Les esclaves éclatèrent de plus belle, et Styrac lui-même daigna s'associer à l'hilarité commune. « Adieu, fit-il, honnête vieillard, grâce te soit rendue de ta cordiale hospitalité et des fruits savoureux que tu as daigné nous offrir. Quand nous repasserons par ces parages, vénérable ami, tu peux d'avance compter sur notre visite, nous te donnerons la préférence. » « Misérable valet, dit le père Grumion, qui voyait avec désespoir s'évanouir toute chance d'indemnité, je ne sais à quel maître vous appartenez, mais quel qu'il soit, il serait bien vil et bien méprisable s'il vous laissait insulter impunément d'une manière aussi lâche un citoyen romain, un ancien soldat qui a combattu pendant 20 ans pour sa patrie, un vieillard sans défense. « Tu peux être content, mon cher, répliqua ironiquement Styrax. Le voici qui se présente. Tu pourras lui faire ta plainte en personne. » Le père Grumion regarda du côté qu'indiquait Styrax et vit un adolescent qui descendait sans se hâter la colline. Il était vêtu pour la chasse d'une tunique de laine blanche serrée à la taille, et par-dessus cette tunique, dont la finesse et la couleur indiquaient un patricien, il portait un manteau à longs poils attaché sur l'épaule gauche par une broche d'ivoire. Il marchait d'un air fier en balançant de la main droite un lourd javelot de frêne, et 2 chiens agiles bondissaient à ses côtés. Les enfants romains, surtout dans la classe à laquelle appartenait ce jeune homme, contractaient de bonne heure l'habitude d'un maintien sérieux et grave. Mais chez celui dont nous parlons, la nature avait si bien préparé les voies que la tâche du maître ou de l'esclave qui en tenait lieu alors avait dû se trouver réduite à peu de choses. Et Grumion, en le voyant de plus près, fut effrayé du regard méprisant, presque cruel, qu'il laissa tomber sur lui. En même temps, par une coïncidence bizarre, et bien qu'il fût sûr de n'avoir jamais rencontré ce jeune homme, il lui semblait que ses traits durs mais réguliers et ses yeux brillants, aussi noirs que le fruit du sureau sauvage, ne lui étaient pas tout à fait inconnus. Cette impression n'eut d'ailleurs que la durée d'un éclair, et le pauvre bonhomme eut bien autre chose à faire qu'à s'occuper d'une ressemblance accidentelle et qui n'existait peut-être que dans son imagination, un peu troublée par les événements du matin. « Styrax !» appela le jeune patricien aussitôt qu'il fut à portée de la voix. Styrax accourut et les chiens qui suivaient le maître pensèrent, en le regardant, qu'il y avait des jours où les hommes étaient plus soumis et plus rampants que les bêtes. « Où t'avais-je dit que tu me retrouverais ?» continua le jeune homme. « Voici plus d'une heure que j'attends au carrefour des 3 fontaines où je t'avais donné rendez-vous, pendant que tu te querelles ici avec ce vieil ivrogne. » Styrax confessa par son attitude repentante que le maître avait raison. « Drôle, » reprit celui-ci, qui parlait malgré son jeune âge avec l'autorité d'un homme mûr. « Je t'apprendrai une autre fois à faire mieux ton service. Approche ici, plus près. Qu'as-tu à hésiter ? Plus près encore. Bien. Voici pour la peine que tu t'es donnée. » En disant ces mots, Lucius, sans changer de visage et sans paraître aucunement ému, asséna avec le bois de son javelot un terrible coup sur les jambes nues de Styrax. L'esclave poussa un cri déchirant, et ses compagnons se réjouirent bassement en leur cœur, mais sans oser le laisser paraître sur leur visage. Qui savait, en effet, combien de temps durerait la disgrâce du malheureux? Au moment où Lucius, avec le même calme, allait recommencer, Calliclès intervint à propos suivant son habitude et sauva la situation par un mensonge. « Arrête, maître! Ce n'est point Styrax qui est coupable, et ta colère retomberait à tort sur lui ou sur nous. Voici l'homme qui a fait tout le mal. » Il désignait avec un rire sournois le pauvre papa Grumion, qui, épuisé par toutes ses secousses et les 2 mains serrées autour de son bâton, paraissait ne plus rien comprendre à ce qui se passait. Alors Calliclès improvisa une histoire invraisemblable, mais que les autres esclaves, et Styrax en tête, se gardèrent bien de contredire. À l'entendre, au moment où lui et ses compagnons étaient passés sur la route près de la vigne, le père Grumion, qui paraissait déjà ivre, malgré l'heure matinale, les avait appelés et les avait invités à entrer dans sa propriété pour se régaler tout à leur aise. « Tu comprends, Lucius, » ajouta Calliclès. « Il n'y avait pas grand mal à cela, et nous n'étions pas fâchés de donner une petite leçon à cet ivrogne en mangeant ses raisins. Mais par Bacchus, il nous les a fait payer assez cher. Que je meure si j'ose répéter devant toi tout le mal qu'il a dit des patriciens et du Sénat. Nous en étions tous scandalisés, n'est-ce pas, Styrax? N'est-ce pas, vous autres? J'ai eu beau lui dire qui tu étais et comment s'appelait ton père, l'illustre Pudentius, il n'a fait qu'en rire. et son dernier mot a été pour déclarer que notre maître était aussi vil et aussi méprisable que nous-mêmes. Ce sont là ses propres expressions, et tu n'as qu'à le regarder en ce moment pour voir si ce que je dis est vrai. » Pendant que Calliclès, emporté par sa faconde grecque et ne sachant même plus si tout ce qu'il inventait n'avait pas réellement eu lieu, déroulait avec complaisance le tissu d'horreur enfanté selon lui par la cervelle révolutionnaire du père Grumion, celui-ci, abasourdi de se voir transformé en buveur de sang patricien, le regardait avec des yeux stupides. Une aussi monstrueuse impudence confondait sa vieille droiture de paysan romain. À la fin, frappant la terre de son bâton et secouant plusieurs fois la tête, en manière de reproche, il dit à Calliclès « Étranger, étranger, tu fais là un vilain métier. J'avais souvent entendu dire que ceux de ta nation étaient de mauvaise langue et de mauvais cœur. Que cette journée soit ma dernière, si je n'avais pas cru jusqu'ici que ce fût une calomnie. Mais je vois bien maintenant que c'était la pure vérité, et que vous conspirez tous pour corrompre l'antique probité romaine. Quant à toi, continua le vieillard en s'adressant à Lucius, je souhaite que tu éloignes au plus vite de ta personne ce bavard étranger. Le mieux que tu puisses faire, c'est de l'envoyer à fond de cale, pieds et poings liés, pour être vendu sur les marchés d'Asie. Du temps de mon père, l'on ne connaissait pas de pareils charlatans, et l'on s'en trouvait bien. Ce sont ces gens-là qui ont appelé Hannibal dans notre pays. Ils les ramèneraient une seconde fois si on les laissait faire. » Pour un homme qui n'aime pas les bavards, fit remarquer alors le jeune patricien, il me semble que tu as péroré assez longtemps. Mais tu peux garder tes bons avis pour toi seul, si tu ne veux pas que je fasse arracher de ta carcasse le dernier souffle qui lui reste. » Le père Grumion eût été bien sage, en ne poussant pas plus loin une conversation qui menaçait de tourner mal. Mais le brave homme avait eu autrefois une nature assez emportée, et l'âge n'avait pas tout à fait amorti ses ardeurs. D'ailleurs, il n'avait pas oublié ses raisins perdus, et il éprouvait depuis quelques minutes, en face de Lucius, cette rage particulière qui saisit les vieillards quand un jeune homme leur manque de respect. Aussi, dressant l'oreille et relevant la tête, comme un vieux cheval de bataille à l'appel de la trompette, le père Grumion osa dire à Lucius « Quand on a combattu pendant 30 ans pour son pays, et qu'on a le corps comme le mien criblé de blessures, tout reçu par devant, sache bien, qui que tu sois, jeune patricien, qu'on ne craint pas la mort. Mais en vérité, j'ai vécu trop longtemps, et le monde est aujourd'hui renversé, puisque ce sont les fous qui font la leçon aux sages et les jeunes gens aux vieillards. » « Sais-tu bien à qui tu parles ? » s'écria le jeune homme, cette fois sérieusement irrité. « Ignores-tu que tu as devant toi le fils de Gallus Pudentius, 3 fois consul et prince du Sénat ?»« Un citoyen romain qui a le droit pour lui, » dit le père Grumion avec une réelle noblesse, « ne crains ni ton père ni toi-même. » Et s'adressant aux assistants, il ajouta, « Vous êtes rentrés par fraude et par violence dans ma propriété. Je vous somme au nom des dieux immortels et des lois qu'ont faites nos ancêtres d'en sortir à l'instant. » Le jeune Lucius Gallus Pudentius, au comble de la fureur, avait saisi d'une main nerveuse son javelot de frêne. Il s'apprêtait à en frapper le misérable débris de corps humain qui se tordait devant lui. Mais Calliclès, qui l'avait élevé et qui avait encore devant son père la responsabilité de ses actes, l'en empêcha vivement. « Parpolux ! » s'écria-t-il. « Garde ton fer, Lucius, pour un gibier plus jeune et plus frais que celui-là. Je ne me soucie pas de rentrer à Rome avec un sanglier de cet âge dans nos filets. Si tu veux le punir de son insolence, quelques poignées de verges y suffiront. C'est le seul supplice qui lui convienne, puisqu'il est retombé en enfance. » « Soit, dit Lucius négligemment, attachez-le à ce pommier, et faites vite. Voici le soleil qui monte à l'horizon, et tout à l'heure il fera trop chaud pour chasser. » Malgré ses cris et ses protestations, le vieillard fut lié solidement à l'arbre indiqué. Artabas, qui était allé dans le bois couper quelques baguettes flexibles de coudrier, fut chargé de l'exécution et il y mit tout le cœur d'un Carthaginois captif, heureux de faire payer aux vieux légionnaires ses campagnes contre Hannibal. Appuyé sur son arme, jeune Lucius suivait avec nonchalance l'opération et les esclaves, Styrax lui-même, qui frottait encore de temps en temps ses jambes, accueillait par de bruyants éclats de rire chacune des contorsions du vieillard. Excité par l'approbation de ses amis, le Carthaginois variait de la manière la plus ingénieuse les ressources de son art et s'attachait surtout à cingler le visage et les mains de la victime. Mais peu à peu la résistance de Grumion cessa, ses bras tombèrent le long de son corps, ses membres s'affaissèrent, et sans les liens qui le retenaient à l'arbre, il serait tombé par terre privé de sentiments. Artabas, qui était consciencieux, levait encore le bras pour lui allonger le coup de grâce, avec toute la vigueur dont il était capable, quand la voix irritée d'une femme que personne n'avait entendue venir s'éleva tout à coup derrière lui. « Que fais-tu, misérable lâche? De quel droit frappes-tu ce vieillard sans défense? Arrière, vil esclave, et si tu veux un adversaire, voici une femme libre qui pourra te répondre. » Après avoir ainsi parlé, elle s'approcha du pommier, coupa, sans que personne osât s'y opposer, les liens qui retenaient le vieillard, le prit entre ses bras robustes, et l'asseyant sur un petit tertre, elle lui fit boire quelques gouttes d'eau et de vinaigre que contenait une gourde pendue à sa ceinture. L'infortuné père Grumion ouvrit les yeux et salua d'un regard affectueux de reconnaissance le visage de sa bien-aimée Galla. C'était elle, en effet, qui étant venue se promener, suivant son habitude presque quotidienne, à la vigne de son vieil ami, était arrivée à temps pour l'arracher à la mort. Les esclaves de Lucius, étonnés de cette intervention soudaine et peu soucieux d'ailleurs de porter la main sur une femme, s'étaient retirés à l'écart. Mais le fils de Pudentius, blessé dans son orgueil, n'était pas homme à se retirer aussi vite du débat. Il s'avança d'un air sombre au devant de la jeune fille. Celle-ci, loin d'être intimidée, lui fit face avec calme, et tous deux se regardèrent pendant quelques instants sans rien dire. Alors le père Grumion, qui les contemplait du haut de son tertre, visage contre visage, comprit pourquoi les traits du jeune homme, dès leur première rencontre, lui avaient semblé si familiers. La ressemblance éclatait, étonnante, entre les deux jeunes gens, sans qu'il pût se douter encore un seul instant qu'il avait devant lui le frère et la sœur. C'était la même coupe régulière de visage, les mêmes grands yeux noirs, la même bouche bien faite, mais plus ouverte et plus souriante chez Galla, le même menton carré et massif, le menton des Pudentius. Et le bonhomme dont la tête, après tant d'agitation, n'était plus très solide, se demandait avec angoisse comment la nature avait pu faire pour créer au village et à la ville, dans la maison d'un hautain patricien et dans l'humble chaumière d'un village, deux physionomies aussi parfaitement ressemblantes. Après quelques instants de silence, Lucius prit la parole, et à l'entendre sans le regarder, Grumion put croire qu'il avait été le jouet d'une illusion, tant sa voix amère et sarcastique différait de l'organe à la fois doux et ferme de Galla. « Qui es-tu, jeune fille, et comment t'appelles-tu ? » « Je suis la fille de Rusticus, citoyen romain. Je m'appelle Galla, et j'habite le village dont tu vois d'ici les premières maisons. Mais toi-même, qui donc es-tu ? Tu es bien jeune encore pour être le bourreau de tes concitoyens. Je suis le fils de Pudentius, trois fois consul et prince du Sénat. » « Un patricien ? » dit Galla. « Un patricien, le fils d'un consul. Et voilà l'usage que vous faites, vous autres, de vos richesses et de votre rang. Les loisirs que vous laisse le gouvernement de la République, vous les employez à piller les biens de vos concitoyens et à outrager les malheureux sans défense. Par Castor, je remercie les dieux immortels de m'avoir fait naître paysanne, puisque la vertu qui habitait jadis sous vos toits patriciens a fait place aujourd'hui à l'orgueil et à l'impudence. « Ma fille, calme-toi, je t'en conjure, » dit le père Grumion, en s'attachant au bras de la jeune fille et en voulant l'emmener vers le village. « Comment pourrais-je rester calme, ami ?» dit Galla, « quand je vous trouve ici meurtri de coups par ces impudents coquins auxquels pourtant j'en veux moins qu'à leur maître, car ils n'ont fait qu'exécuter ce qui leur avait été commandé. » Le jeune homme ne disait plus rien. Pâle de rage, il regardait fixement Galla, mais se sentait impuissant contre tant de courage et tant de faiblesse. Bien que son père fût absent à ce moment-là, et voyagea à l'étranger pour le service de la République, il n'osait pas, en plein jour et aussi près du village, se porter à des voix de fête contre une citoyenne. Aussi, sans avoir pu trouver un mot pour exhaler sa fureur, et après avoir lancé un dernier regard de haine à Galla, debout et encore frémissante devant lui, il tourna les talons et, suivi de ses esclaves, il grimpa la colline, écrasant sous ses pieds par un reste de vengeance puérile les grappes qui gisaient à terre. Arrivé en haut, il s'arrêta et montrant à Styrax la jeune fille qui s'éloignait sur la route, soutenant le vieillard. « Styrax, tu m'as mortellement offensé aujourd'hui. Je pourrais t'en punir sur le champ en te reléguant à notre ferme d'Albe et en t'y laissant pourrir jusqu'à la mort. »« Tu ne feras pas cela, Lucius ?» s'écria Styrax au comble de la terreur. « Je ne sais, » reprit le jeune homme, « et ma conduite suivra la tienne. Il dépend de toi que j'oublie ta faute ou que je m'en souvienne. » « Que faut-il faire, ô mon maître? Parle, ton serviteur obéira. »« Me venger de cette jeune fille qui m'a outragé. dit Lucius d'une voix sourde qui parvint à peine à l'oreille de son confident. Mais, ajouta-t-il en se retournant, où est donc Calliclès ? Styrax sourit humblement. J'avais deviné tes désirs, maître, avant que ta bouche me les eût exprimés, et j'ai agi en conséquence. J'ai envoyé ce renard de Calliclès quêter des renseignements au village, et sur son rapport, tu décideras ce que nous devons faire. C'est bien, dit Lucius d'un ton hautain. Mais souviens-toi, sur ta tête, que mon père ne doit rien connaître de cette affaire et que, par-dessus tout, j'entends que mon nom n'y paraisse pas. J'ai déjà oublié l'existence de cette misérable paysanne. « Oui, murmura Styrax en le voyant s'éloigner avec ses chiens, à condition que je me la rappelle. Va, jeune orgueilleux, tu seras servi à souhait, puisque tu as pour toi la puissance. » Mais par les dieux immortels, il y a des jours où je me demande si entre l'esclave et l'homme libre, il y a autre chose qu'une différence d'habit.